guerrier du béton. Hey, H et Baston, 3-0-900, légende urbaine. La rage sur ce simple et la haine dans le sang. Voilà ce qu'on ressent dans un monde inconscient. Trop de frères tombent, prends conscience, malgré ce que l'on pense. La vie n'est pas facile, fait de drogue et de deal, de vol et de ronde dans les villes. Les années qui défilent, des vies qui ne tiennent qu'à un fil. Du pénible, blâme ma firme, je crache mon uniforme. C'est trop de potes qu'on enferme. Frappe des courses poursuites, histoire de garder la forme. Un avenir qui prend forme, goûter au fruit de nos efforts. Qui ne tue pas rend plus fort, rien à foutre, faut que je m'en sorte. La firme du crime en renfort. Marre de voir ses forts venir défoncer nos portes. Normal qu'on s'emporte, moi je les bois mais je me porte. Je reste un hors-la-loi pour du bis qui rapporte. On veut tous plus de place qu'il en faut. La fête pousse, trop de frères, aspect frappe. Basto, H. Pour survivre faut du cash, pour mieux vivre faut du cash. Pour nos proches faut du cash, mec. On veut tous plus de place qu'il en faut. La fête pousse, trop de frères, aspect frappe. Basto, H. Pour survivre faut du cash, pour mieux vivre faut du cash. Pour nos proches faut du cash, mec. Tous sommes en guerre, prêts à extraire leurs billets. Violet et vert, on a le flair. Sodomiser le système, malgré que les gens sont faibles. Te dire on garde Pétien. Dans nos cerveaux, vraiment trop de problèmes. Tout irait mieux si les miens seraient à moitié pleins. Bon micro, vous m'affichez comme t'appelles. Faites pas honte aux sœurs, frères, pères et mères. Pierre, pour éviter ça, faut aimant à l'enfer. Si je suis gay, bloque plus de micro, d'autres j'ai affaire. Mate la misère, l'ampleur des dégâts d'un air. Bien comme des clés, j'ai trop de poteaux, reconnu le Hems. Les antécédents nous suivent et nous privent d'un train de vie paisible. Beaucoup de viseurs des lacives. Le danger pousse à sa main de calibre. Le bat est terrible quand c'est un des tiens qu'on crible. On veut tous plus de place qu'il en faut. La fête pousse, trop de frères, aspect frappe. Basto, H. Pour survivre faut du cash, pour mieux vivre faut du cash. Pour nos proches faut du cash, mec. On veut tous plus de place qu'il en faut. La fête pousse, trop de frères, aspect frappe. Basto, H. Pour survivre faut du cash, pour mieux vivre faut du cash. Pour nos proches faut du cash, mec. Basto, pour mieux vivre faut des euros. Rien que des bandits, pas de héros. Pas besoin de coq ni d'héros. Je représente sud de Nîmes, ma plaque 3-0. Les frères survivent et meurent pour les euros. Nos destins sont hardcore, on vit pour la cause. Meurs pour la cause, même pris à la gorge. Mes frères brillent dans la foi, prime comme tu vois. Triste comme chez toi, on s'accroche comme tu vois. Regarde la trahison, mes frères sur un papillon. Sans rémission, pas mal de mes frères, rémission. Le cash de la France est notre cash. Sous la balance de la justice, de s'en tirer aucune chance. Ouais. On veut tous plus de place qu'il en faut. La fête pousse, trop de frères, aspect frappe. Basto, H. Pour survivre faut du cash, pour mieux vivre faut du cash. Pour nos proches faut du cash, mec. On veut tous plus de place qu'il en faut. La fête pousse, trop de frères, aspect frappe. Basto, H. Pour survivre faut du cash, pour mieux vivre faut du cash. Pour nos proches faut du cash, mec.